Avoir un roulement de tambour, s'il vous plaît. Surprise. Il y a quelqu'un. Salut. Pourquoi t'es venu ici? Tout va bien. Alors il faut que tu sois honnête avec moi. J'ai hâte de voir ta tronche quand on l'aura dégoté. Dis donc, t'as vachement bien géré. Et maintenant ou jamais. Ça ira mieux demain. L'émission. Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Ne laisse rien faire obstacle à ce qui te fait vibrer. Soyez à mes côtés. Bienvenue au palais. Il n'y a rien que tu désires vraiment plus que tout au monde. Ça ira mieux demain. L'émission. Fadjet. Ça ira mieux demain. L'émission. Que la fête commence, les amis. Et la fête commence comme chaque début d'année avec les grandes séries que l'on attend pour 2024. On va être plus modeste que l'année passée. Parce que l'année dernière, si je me rappelle bien, on en avait eu pour 3 émissions. Donc, est-ce que là, on va réduire à combien là? C'est un peu comme le gouvernement qui réduit le nombre de ministres, on réduit le nombre de séries, on fait quoi? Bon, si j'avais déjà bien 30 minutes complètes, je serais pas obligé de déborder sur d'autres semaines. Non, mais là, on va essayer de faire tenir tout ça dans l'émission du jour. Oh, joli! Mais c'est vrai qu'en plus, on va reparler d'une série dont on a parlé il y a un an. Un an après, le gars, il a toujours pas arrivé à la caser. Alors là, on peut le dire. Son problème à trois corps. Là, avant le mois de juin. Là, parce qu'au mois de juin, on a les totos qui tombent. Mais avant le mois de juin, on a la série. Ah, bah là, on a même la date. C'est le 21 mars. Ah oui. 21 March. Le jour du printemps. Vous vous rendez compte? On y reviendra avec la toute nouvelle bande-annonce. Et c'est vrai que celle-là, elle donne vraiment encore de plus en plus envie. C'est toujours de la science-fiction, mais. Je pense qu'un an après en avoir parlé, cette série-là, si je vais être déçu, c'est pas possible depuis le temps qu'on en parle, que je vous l'amène sur un plateau, il va y avoir une pression énorme, et vous allez me dire tout ça pour ça, on en reparlera le 22 mars, sans doute. Oui, mais c'est ça de vouloir parler d'une série qui n'est pas encore tournée. Voilà, mais elle était déjà tournée un peu l'année dernière. Elle était en post-produc, mais ça a mis un peu plus que prévu. Nous aurons aussi d'autres nouveautés. Nous reviendrons, nous parlerons d'Avatar. Alors, moi, Avatar, pour moi, c'est les bleus. Mais c'est les petits bleus. Les footballeurs? Non, les bleus. James Cameron. James Cameron. Mais apparemment, ce n'est pas que les bleus. Mais non, parce qu'à la base, il y a un dessin animé. Et il y a un dessin animé qui va être tourné en live action. Et ça s'annonce être pas mal non plus. Aussi, une des grandes nouveautés de cette année. Avant cela, une première nouveauté, le choix de Manon qui est passé ses vacances du Nouvel An à Noirmoutier. Et elle en est revenue avec la fanatitude pour Jack. C'est faux, je t'ai quand même mal précisé. Mais si, c'est vrai. Alors, Manon, est-ce que tu as un deuxième prénom? Oui. Alors, il faudrait que tu me donnes le deuxième prénom, comme ça je pourrais glisser, parce que apparemment le coup de cœur de Laurent, ça passe pas, mais si avec ton prénom, ça pouvait passer. parce que le coup de cœur de Manon, en fait, c'est le coup de cœur du père, donc. Mais c'est parce que j'ai jamais d'idées, en fait. Moi, j'en ai plein d'idées, moi. mais on ne veut pas de mes idées. Comme on est à la flotte pendant une semaine sur l'île de Noirmoutier, j'ai pensé à Jack et sa chanson Parapluie, tout simplement, savoir. Cet animateur a de la suite dans les idées. Voilà, donc, 35 ans de radio, mesdames, messieurs. Et ce soir, attention, roulement de tambour, s'il vous plaît, 1400e numéro du Hot 40. Oh. Et pour un peu, on aurait débouché une bouteille. On a un générique spécial, non, on a des cotillons. Non, parce que non. Même pas? Non, j'ai souhaité la bonne année, parce que c'est la bonne année, c'est normal. Mais la 1400, c'est un beau numéro quand c'est même. C'est un beau numéro pour débuter l'année en plus. Oui. Mais nous, quand on arrivera au 1400e numéro de Destination Série, on fera 3 heures. Hein? Allez, Jack, parapluie pour débuter. Et ensuite, on voit les nouveautés de l'année. Matin d'hiver sur le palier, tu rentres chez toi. Le regard froid, les cheveux mouillés, tu ne t'expliqueras pas. J'ai embrassé tous tes défauts, j'ai fini par les trouver beaux. Le cri de ton cœur lui sonnait faux, comme les toutes premières compos. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps. Dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la sans son parapluie. Oh, oh, oh, elle sort sans son parapluie. Jardin d'hiver, la fleur est fanée. Je ne saurais pas comment te plaire ni comment t'aimer. Je ne te reconnais pas. Pourquoi tous ces mystères? Mais dis-moi à quoi tu joues. Je vis sous le même toit qu'une étrangère qui s'éloigne jour après jour. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps. Dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle peint tes heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Oh, oh, oh, oh. Elle sort sans son parapluie. Oh, oh, oh. Elle sort sans son parapluie. Madame se fout de tout, de tout. De la pluie dans son cou, elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Madame se fout de tout, de tout. De la pluie dans son cou, elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Elle me dit qu'elle est des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Oh, oh, oh, oh, oh. Elle sort sans son parapluie. Oh, oh, oh, elle sort sans son parapluie. Elle sort sans son parapluie. Elle sort sans son parapluie. Jack, dans Ça ira mieux demain avec parapluie, ça aurait pu être le générique de la série américaine Les Parapluies Academy, je sais pas quoi. Umbrella Academy. Ah, Umbrella Academy, hein, très juste. Hein, ça aurait pu être le générique de la série. Eh oui, et avant toute chose, parce qu'il y a quand même une info qu'on a eue cette semaine, qu'on a validée, Manon et moi, c'est le film, alors c'est pas une série, mais ça va nous emmener tout droit au cinéma. Certainement, alors je ne sais pas quand, l'année prochaine, sans doute 2025 ou 2026, c'est Grogu au cinéma. Ah. Avec, ça s'appellera Grogu et le Mandalorian ou Mandalorian et Grogu. Le premier film Star Wars qui va arriver dans les années à venir, c'est Grogu sur grand écran. Alors moi j'ai une question. Une question de Laurent. Alors, j'ai commencé déjà à avoir mal la tête. Est-ce que c'est les scénaristes de la série qui vont faire le scénario du film? Alors, j'ai le bonheur de te dire que oui. Oh, putain. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Le scénario, je ne sais pas, mais c'est quand même Jon Favreau qui réalisera le film. Ouais. Donc, alors, si je peux donner n'importe qui, et c'est quand même le créateur de la série. Oui, oui, oui. Je sais pertinemment que les scénaristes du Mandalorian écoutent souvent Ça ira mieux demain. Donc, si vous pouviez aller chez les Carrington pour écrire le scénario, parce que les Carrington, ils ont une table assez longue. Donc, ouais. Comme ça, le coin de table sera un peu plus grand. Hein, parce que les scénarios de la série, Benoît, ça casse pas trois pattes à un canard. Donc, là, s'ils font non, le film, bah, oui, mais... il va falloir payer hein, pour aller voir ça. Enfin, tu me diras, on paye aussi pour avoir l'abonnement et voir la série, mais on voit d'autres choses. Alors que là, on payerait que pour une histoire. Ouais. Non. Eh ben, ce sera The Mandalorian et Grogu. Oh là et là. Le tournage débute cette année et on ne manquera pas d'y revenir parce que c'était quand même l'info de la semaine et on se devait d'en parler puisqu'on est tous fans. Enfin, tous fans, au moins Manon et moi, de Grogu. Ah non, non, mais moi, Grogu, je l'adore. Hein. C'est pas le problème, Grogu. Hein. C'est les scénarios, les scénaristes. Hein. Eux, quand ils étaient en Grèce, c'était pas un problème. Les nouveautés maintenant, série de cette année. Alors, on va réécouter dans quelques instants, le temps que Laurent fasse la manip, la bande-annonce du problème à trois corps, la nouveauté du 21 mars prochain. Maintenant, on a la date. On a la date dans la Chine des années 60. Une jeune femme va prendre une décision désastreuse dont les répercussions à travers le temps et l'espace vont affecter un groupe de chercheurs brillants dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est la dernière bande-annonce. Elle date de cette semaine aussi, de cette série qui débarquera après un an dont on vous en parle, Le problème à trois corps. Une trentaine de scientifiques est mort ces deux derniers mois. quelqu'un d'autre l'a vu. Que leur est-il arrivé ? Quelqu'un ou quelque chose s'en prend aux scientifiques. Ils cherchent les esprits les plus brillants. Il y a quelqu'un derrière chaque chose. Si on creuse, on trouve. Quoi que ce soit, ça nous observe et ça nous écoute. Will, on sait même pas ce qu'ils sont. Et peut-être qu'on peut pas le savoir. Est-ce que tu crois en Dieu ? Effrayant. Vous avez le droit d'avoir peur. Mais c'est notre seule chance. Et j'ai besoin de vous. Préparez-vous à vivre un truc qui sort de l'ordinaire. Ils arrivent et vous ne pouvez rien pour les en empêcher. Voilà, alors rien qu'à l'audio, on sent, on a envie. Et tu mettras la bande-annonce, la vidéo sur le site ? Oui, je te l'enverrai, oui. Et effectivement, c'est... je croyais que c'était toi qui allais la mettre. C'est... On sent le... La pression qui monte, voilà. Oui, alors... Avec des interrogations quand même, où on pourrait être déçu. C'est ça qui fait un peu peur aussi, parce que le niveau augmente, l'intérêt aussi. Et souvent, dans les bandes-annonces de ce type-là, on peut être déçu si ce n'est pas à la hauteur, quoi. Et on en sait plus sur le scénario du style, voilà, c'est des extraterrestres qui arrivent... Et ils nous prennent pour des saccageurs, des parasites. Bah c'est un peu, ça tourne autour de ça. Faut ça lire autour le, de ça, ouais. Faut lire le livre. Parce que si ça tourne autour de ça, ça me fait penser à la série américaine de Steven Spielberg, The Falling Skies, où je l'ai déjà dit dans Destination Série, je crois, où il y a le héros de l'histoire qui rencontre le chef des extraterrestres. Et voilà, celui de la résistance annonce ce qu'il reproche aux extraterrestres, le massacre qu'ils sont en train de faire. Et la réponse de l'extraterrestre, c'est de dire « Mais attendez, ça fait des années que vous polluez votre planète et que vous vous entretuez entre vous, vous n'allez pas nous donner des leçons. » Mais le problème, c'est que c'est plus compliqué que ça, puisque dans cette série, les lois de la nature vont être déréglées. Donc l'espace-temps, l'espace le visuel, tout est changé. Donc c'est pour ça on se demande comment tout ça va pouvoir prendre corps quand on est devant sa télé et qu'il va falloir nous faire comprendre qu'on change d'espace-temps. Ça risque d'être un peu... Alors, si je peux te donner un conseil, fais gaffe avec ta télé, hein, parce que ta télé, c'est un stade de foot, donc si les effets sont assez énormes, tu risques de venir un peu bronzé. Voilà. Autre nouveauté, toujours sur Netflix, c'est Avatar, le dernier maître de l'air. Aang, un jeune garçon prisonnier d'un glacier pendant un siècle, doit apprendre à maîtriser les quatre éléments pour accomplir sa destinée et ramener la paix dans son monde en devenant l'Avatar. Alors l'Avatar, c'était effectivement un dessin animé. Alors ça a été un film, hein, première adaptation signée Night Shyamalan, qui n'a pas eu du tout le succès escompté, ça n'a pas du tout marché. Avant le dessin animé que je connais, il y a eu un film. Après. Mmh. Entre les deux, disons. Ok. Et donc le dessin animé qui était quand même très connu à l'époque, oui. Moi je n'ai pas de souvenir. Un dessin animé qui a de la gueule. Ouais, et qui date de quand ? Tu me le daterais parce que j'ai pas... C'est... Pour moi, c'est début des années 2000. Hein. C'est déjà dans les années 2000. Pour moi, oui, hein, c'est un dessin animé. Et donc, qui était assez culte. Et donc, voilà. Et qui va être mis donc en série produite par Netflix. Et ça arrive assez vite. Hein, ça arrive dans un peu plus d'un mois, le 22 février prochain, juste pendant les vacances scolaires. Pour ceux qui seront déjà en vacances. Et ça sera presque notre cas aussi dans le Grand Est. Et je vous propose également la bande-annonce d'Avatar. Le dernier maître de l'air. Alors, le dessin animé a été diffusé entre 2005 et 2008. Ah oui, donc c'est un peu plus récent. C'est une quinzaine d'années, disons. Et là, on vous met la bande-annonce du film. De la série, plutôt. Série qui arrive sur Netflix. Le temps est une chose étrange. Le passé, l'avenir, tout se mélange. Il n'y a qu'un seul moyen de ne pas se perdre. On ne doit jamais oublier qui on est. Voilà une musique épique et surtout à noter dans cette série, eh bien c'est l'acteur, le gamin joué par Gordon Cornia est magnifique. Il a une bonne tête. Alors faut espérer que le rendu soit meilleur que Cowboy Bebop. Oui. Parce que le dessin animé Cowboy Bebop, le dessin animé japonais est voilà un pur délice, un petit bijou. Mm. Et la version de Netflix avec de vrais acteurs était à certains moments pas mal fade quand même. Donc là, s'attaquer à Avatar, c'est quand même culotté. Et il faut espérer que le résultat soit quand même meilleur que Cowboy Bebop version live. Bon, les images sont magnifiques. Hein. La bande-annonce, si vous avez l'occasion de la voir également, c'est c'est bien fait. Cowboy Bebop, la série, oui. Les images étaient belles. La réalisation, ouais. Tout, voilà, magnifique. Mais il manquait un truc. Il manquait un truc, ouais, c'est vrai. Rapidement, les autres séries sur Netflix que l'on attend cette année, c'est Griselda, notamment le biopic de Griselda Blanco, qui est une femme d'affaires colombienne avisée et ambitieuse, qui a créé l'un des cartels les plus rentables de l'histoire. C'est elle que l'on a appelée la Veuve Noire. C'est en fait une série sur la mentor de Pablo Escobar. Et donc, un peu dans l'ambiance narcos, il y a un public, ça, il y a pour les séries de ce type-là sur Netflix, qui cartonnent toujours pas mal. Hein, narcos, oui. Gros succès aussi, oui. de cette série-là. Ça arrive très vite, hein, c'est une série de janvier. Ça arrive le 25 janvier sur Netflix. Dans un autre genre, hein, Super Sex. On attend Super Sex avec impatience. Savez-vous de quoi parle Super Sex ? C'est le Superman en super... non ? Non, c'est la bio de Rocco Siffredi. Ah, tu vois, j'étais pas loin. Oui, pas loin. Oui. La vie et le parcours professionnel du comédien Rocco Siffredi, son enfance, sa famille et ses relations spéciales avec l'amour qui l'a conduite à entreprendre une carrière dans le cinéma X. Super Sex, donc, ce sera à voir dès le mois de mars. Dès le mois de mars, en même temps que Le Problème à Trois Corps. Alors, si jamais il a une tenue bleue et rouge, il faudrait que le S soit stylé différemment. Quoi. Ouais. Et puis une autre série qui fera certainement aussi dont on parlera beaucoup en 2024, c'est The Perfect Couple, le couple parfait. Un mariage somptueux se termine en catastrophe avant même d'avoir commencé, quand un corps est découvert dans le port de Nantucket, quelques heures seulement avant la cérémonie. Tous les invités deviennent soudainement suspects. The Perfect Couple n'a pas de date encore de sortie en 2024, mais c'est quand même avec du grand monde. Nicole Kidman. Nicole Kidman, qui donc est l'héroïne. On aura également Suzanne Beer à la réalisation. Et on verra notamment dans cette série-là, Isabella Gianni. Ah, dis donc. Ou Liev Schreiber, notamment, dans les rôles principaux. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les séries de l'année sur Netflix. Une autre série importante que l'on verra sur Amazon Prime, c'est Fallout. Alors, Fallout, c'est l'histoire d'un jeu vidéo également. Alors là, je ne suis très nul en jeu vidéo, mais c'est l'adaptation d'un jeu vidéo, toujours dans un peu comme The Last of Us, hein, apocalyptique, hein, dans la série des jeux apocalyptiques. Ce jeu a été sorti en 1997. Ça se déroule aux États-Unis où une guerre nucléaire déclenchée en 2077 a dévasté l'humanité dans son ensemble. Et la série devrait prendre place au milieu du 22e siècle, plusieurs décennies après le terrible conflit qui a ravagé le monde. Le protagoniste du jeu est un résident non identifié d'un abri, qui est une installation souterraine conçue pour résister aux effets de la guerre atomique, qui va se trouver contraint de se rendre dans les terres désolées pour trouver un composant électronique, seul moyen de sauver le groupe de survivants avec qui il vit d'une mort certaine. Ça fait quand même penser à The Last of Us, hein. Donc c'est pas des zombies. Il n'y a pas de zombies, mais le terrain est dévasté. Et voilà, alors qu'il va donc se diriger vers son objectif, il va découvrir une menace qui pourrait avoir des conséquences encore plus désastreuses pour les chances de survie de son groupe. Et il mettra tout en vain pour l'éradiquer. Voilà, donc ça arrive au mois d'avril. Ça, si je regarde ma fifiche, c'est le 12 avril sur Amazon Prime. En voici la bande-annonce. Je suis consciente que j'ai eu une vie relativement confortable. Stop ! Lucie ! Rentrez chez vous. Les habitants d'Abri sont une espèce menacée ici. Je ne vous crois pas capable d'adopter le comportement nécessaire pour survivre dans ce monde. Si vous tenez à rester ici, alors il faudra vous adapter. So they say will be a lovely day. A bright new sun will suddenly break through. But I don't want to see tomorrow unless I see it with you. Il était moisi celui-là. Bonne annonce très intrigante et je vous invite à la regarder parce que vous avez pu remarquer le changement d'ambiance à un moment donné avec une musique un peu très 60s on va dire, mais si vous avez Vous avez fait très attention au bruitage. Eh bien, vous imaginez que le son n'est pas du tout en phase avec l'image. Et cette bande-annonce est assez intéressante et intrigante. Alors, je ne suis pas très jeu vidéo, mais bon, je me dis que ça peut peut-être être intéressant de suivre ça. On en reparlera courant avril lors de l'arrivée de Fallout, un nouveau jeu, un deuxième jeu, hein, parce que c'est quand même déjà Amazon Prime hein, qui a mis en place The Last of Us. Donc, on va voir ce que ça peut donner. Pour finir rapidement, Disney+, qu'est-ce que nous proposera Disney+, cette année ? Alors, une augmentation ? Une augmentation, sans doute, comme toutes les, comme tous les plateformes. Eh bien, est sorti aujourd'hui, non, le 10, non, c'est mercredi. Echo, je vous en avais parlé, je vous avais passé la bande-annonce. Hein, de l'univers Marvel. Ah oui. Echo est sorti, tous les épisodes depuis le 10 janvier. Tous les épisodes sont sortis. La série renvoie aux origines du personnage de Maya Lopez, dont le comportement implacable à New York la rattrape jusque dans sa ville natale. Elle est poursuivie par l'empire criminel de Wilson Fisk. Elle va devoir faire face à son passé, renouer avec ses origines amérindiennes et embrasser le sens de la famille et de la communauté. C'est déjà en ligne depuis début janvier. On attend aussi une des grosses nouveautés, une grosse attente, mais je pense que Laurent va me dire. C'est une nouvelle adaptation. De quelque chose, enfin je ne sais pas s'il avait aimé, on n'en a jamais parlé d'ailleurs. Une série dérivée au Mandalorian. Non, Shogun, tu te rappelles? Shogun avec Richard Chamberlain. Et voilà, et eh bien l'adaptation du best-seller de James Clavell, eh bien revient, cette épopée Shogun revient avec Disney Plus. Bah non, pourquoi je dirais parce que bon, c'est mythique, hein, oui, c'est une série voilà. culte avec Richard Chamberlain. Mais une nouvelle adaptation, voilà, on peut avoir peur aussi, donc c'est pour ça. Bah, c'est ça pas Richard Chamberlain qui revient. Hein. Ah oui, bah. Il aurait du mal à refaire ce qu'il faisait dans Shogun, mais c'est mythique cette série qui est apparue dans les années 80 sur TF1 voilà, en remplacement donc, de Dallas, puisque Dallas prenait des vacances. Voilà, hein. On n'a pas encore la date de Shogun, mais ça sera certainement au courant du premier semestre 2024. Et enfin, deux petites nouveautés françaises. La moustache. Kaiser Karl. Quoi ? Pourquoi la moustache ? Non, mais parce qu'à un moment donné, quand les Américains sortaient un nouveau Star Wars, nous, au cinéma français, on sortait le film La Moustache. Ah oui, ça m'a toujours marqué. Donc, Kaiser Karl, et vous savez de quoi ça parle, Kaiser Karl ? D'une voiture ? De Karl Lagerfeld. Oh oui. C'est vrai ? Joli ! Bravo, Manon ! Oh là, il était allemand, le mec ? Kaiser Karl, raconte l'ascension de Karl Lagerfeld dans le monde de la haute couture parisienne des années 70. En 72, Karl Lagerfeld, 38 ans, ambitionne de devenir le couturier français le plus reconnu à une époque où Yves Saint Laurent est la figure incontestée de la mode. Il est d'origine allemande quand même, Karl Lagerfeld. Ah d'accord. Et la seconde, Les enfants sont rois, qui montre une époque dans laquelle la mise en scène permanente de soi mène irrémédiablement au drame d'une famille. Cette série est aussi la confrontation de deux femmes avec leurs forces et leurs faiblesses, toutes deux liées par une enquête qui va les mener au fin fond d'un monde à la fois surexposé et mystérieux. Les enfants sont rois. C'est assez mystérieux aussi. Mmh. Voilà, deux grosses productions françaises pour 2024. Ah, en plus, c'est des grosses productions. Bon, pour la première, je veux bien, mais alors la deuxième... Voilà, nous aurons aussi une deuxième saison pour Extraordinary, hein, la série humoristique britannique, et de Camden, un quartier haut en couleurs. Voilà ce qu'on pouvait dire globalement sur les séries, sur les plateformes, les grosses nouveautés attendues. J'ai moins détaillé que l'année dernière, parce que je me suis rendu compte, si on fait un petit retour en arrière sur toutes les séries, j'avais développé beaucoup de séries l'année dernière, au final, hormis bien sûr celle dont je parle et qui n'est toujours pas sortie, voilà, on n'a pas forcément vu tout ce qui avait été annoncé. Ça, c'est ou c'est sorti ou alors c'est effectivement passé inaperçu. Donc, je me suis concentré sur, disons, celles dont on devrait entendre parler. Celles-là, sans doute. Toutes celles-là, on entendra certainement bien parler. Ou alors, ça veut dire que certaines ont été tournées qu'on n'a pas vues ou alors des projets ont été abandonnés. Non, mais elles sont sorties. Si, elles sont sorties, mais voilà. C'est passé sous les radars. C'est passé un peu certainement sous les radars. Hein. Bah, elles sont passées où ? Il faut mener l'enquête. Oui. Je vais ressortir les trois émissions de janvier 2023 pour checker les séries annoncées et voir où ça en est. Peut-être que c'est comme les trois corps, là, c'est pas encore sorti. Oui, peut-être. Mais enfin, voilà, cette année, une année quand même qui restera quand même encore assez science-fiction. Hein. Oui. Assez science-fiction. Oui. Les deux grosses choses attendues, aussi bien sur Amazon Prime, adaptation d'un jeu, c'est un jeu un peu de science-fiction. Enfin, c'est largement de la science-fiction. Et puis, toujours le problème à trois corps que l'on attend. Et puis. Et il ne parle pas de Halo, parce que Halo. Si. Il y aurait une saison 2, parce que Halo, ça déchirait. Oui, hein. Oui. Y a, j'ai vu ça. Je n'ai pas parlé d'Halo, mais. Halo, c'est sur. Pareil, Halo, c'est issu d'un jeu. Et moi qui ne suis pas vraiment jeu, hein, même si Goldorak est sorti en jeu sur certaines consoles, voilà, la série Halo m'avait interpellé. Oui, oui. Alors attends, j'essaie de retrouver, je ne l'ai plus... Eh bien, c'est le teasing pour la semaine prochaine. Benoît vous parlera de la possible saison 2 de Halo. Non, attends, je l'ai. Attends, je vais te la retrouver. Allô, Benoît ? Halo, saison 2... Allô. Oui. Allô, allô. Est-ce qu'on peut combler l'antenne le temps que Benoît fait sa recherche tranquillement en direct? Allô, non, ça non, me fait penser à Hello d'Adèle, voilà. C'est la guerre contre les aliens, oui, dans la bande-annonce de la série qui sera diffusée sur Paramount+. C'est pour ça que c'est Paramount+. Alors, c'est vrai que j'ai un peu... C'est aussi, effectivement, tiré d'un jeu vidéo également. Hein. Mmh. Je l'ai dit. Et tu l'as dit, il y a une saison 2, elle... Ah bah c'est une bonne nouvelle. C'est juste ce que je voulais savoir. La saison 1 était très réussie et ça aurait été bien triste si on n'avait pas eu une saison 2 puisque voilà, il y a une et porte qui s'ouvrait sur une possible suite. Je peux même te dire que c'est le 8 février. Voilà. Oh, magnifique. Bien. Splendide. Hein? 15 jours après la sortie du nouvel album de Tom Anders, donc c'est le top. Voilà, j'ai vu donc réponse à toutes vos questions. Je peux donc m'en aller à 19h38. J'ai un petit peu dépassé, excusez-moi. Oui. Mais comme c'est pas bien. Comme j'ai pris l'antenne avec au moins 5 ou 6 minutes de retard, je n'ai pas beaucoup dépassé mon temps. Une minute à tout casser, Benoît. Faut pas exagérer. Je dirais bien 5 ou 6 minutes. Hein. Et on se quitte avec quelle chanson? Eh bien, on va se quitter. Bah, écoute, choisis. Est-ce que tu préfères Ears and Ears ou alors Mentissa? Allez, Mentissa, tu l'as prévu. Prends-moi la tête. Ouais. C'est un peu ce que tu fais toutes les semaines. Elle était bonne, celle-là. Ça ira très bien pour finir. Et moi, je ne me la prends pas. Ça commence bien l'année 2024. Moi, je ne me la prends pas. Non, puis surtout, Benoît, t'es un bon joueur, beau joueur. Tout à fait, il n'y a pas de fair play. Il n'y a pas de problème. Je vais juste aller déguster un petit repas que j'ai bien mérité après 7h40 en votre compagnie. Oui. Et je vous retrouve dans 20 minutes pour la révélation du 1400e numéro du Haut de 40. Oh les cœurs! Oh les cœurs! Et puis pour nous, on se dit à vendredi. À vendredi pour un nouveau numéro de Ça ira mieux demain.